Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Voilà. OK, donc taguer ceux qui ne sont pas en ligne. Je pense que vous allez très bien. Et s'il vous plaît, taguer ceux qui ne sont pas en ligne. Comme ça, on va prendre quelques 30 minutes pour discuter. Nengeto Mesana. Merci. Merci, je vais très bien. Merci. Excusez-moi. Voilà, nous revoici et toujours pour la Congo, la Bissau. Une fois de plus, merci pour nos alawana. Merci pour la confiance, Bozo Salabiso. Et Rosenga, ceux qui vous aiment, bas camarades, bas milouvor, boyebisa bango pe baya okota, bo tagé bango baya okota, même balingité, namakasi, bo kote sa bango, donc au tagé, yemo kwa kamwe place à Zali que au tagé. Donc, c'est mieux de discuter ensemble, bien que bazalakana ba argumenté, désolé, bazalakana argumenté. Mais en tout cas, il faut baser la canaba discussion, tout ça là, tout le monde a gabangopi. Et excusez-moi, on me dit que caméra n'a pas eu panzi. Voilà. Voilà. Donc, je disais que Bandeko Milouvor, même Bazali, Bazali, Bazoyo Kate, Bo Benda Bangona Makasi, O Tagei, Akoti. Ce qui a Kobi, ma Yemoka mi bimisi, mais yo Koti Sayena na Makasi. Merci, Ming, Bandeko Nabiso. Aujourd'hui, nous allons parler pour quelques 20 minutes, 30 minutes, pour un dossier où yo tout le monde a Yebi, l'arrestation. De Monsieur Roger Lumbala. Et Congolais Nyonso, Moutou Nyonso Aza Congolais, franchement, Azali Kosepela, je vais m'expliquer après, Azali Kosepela pour l'arrestation, il y a Monsieur Roger Lumbala. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne que Nabande Konyonso au Bazali Kosepela pour l'arrestation y a Roger Lumbala. Tozali Koyoka silence. Et Zali vraiment inquiétante. Na côté y a Bande Konabiso Bamilvor. Je ne comprends pas pourquoi Bamilvor Bazo Sepelate pour Bakangi Roger Lumbala. Et na ébité ce qui makila moutou. Ils ont empêché que Bassepela ou bien Bassepelate, on ne comprend pas. Parce que, comme vous le savez, Bandeko, Lokola, Roger Lumbala, ils allaient battre Oyo, Nalobaka, à tout moment, Oyo, Bacha, tristesse, Nambo Kanabiso. Bassemé, tristesse, Nambo Kanabiso. Bacha, Kimawa, ils ont tué. Ce sont des gens, Oyo, mwa mbongo bazalaki nango ou bien bakeyi kodefa mbongo quelque part. Ils ont utilisé cet argent pas pour investir au Congo, pas pour investir dans le village na bango, pas pour investir dans la province na bango. Bango bake ko defa mbongo, bake ko benga bapaya, po ba kota na mboka na biso, po ba boma bandeko na biso ba Congolais. Na lobango toujours, Roger Lumbala banda banda ki rebellion na ye. Ti aye okota na gouvernement, Roger Lumbala atikali ko boma jamais ndeko mwana cousin ya Kabila. Donc, ndenge na lobelaka Jean-Pierre Bemba, ndenge pe na kolobela Roger Lumbala, bazali bato oyo batie mawa na mboka na biso. Alors, na betaka sete ne sika wana ke Congolais ifu kozala idiot pour que lelo bato lokola Jean-Pierre Bemba, bato lokola Roger Lumbala, bato lokola Lambert Mende, donc bato wana nyonso lelo bakoba bato malamu, tomona ke Congolais azali kobetela bango maboko. Vraiment, ezali mawa mingi. Ezali mawa mingi. Alors, Roger Lumbala, ndenge na lobi, bazali bato oyo, basali mawa, bapesi mawa na bafamii na biso. Bana batikala ba orfelin ebele, ba basi batikala ba veuve ebele, ba veuf pe batikala ebele, ba parent ebele bazanga bana na bango. Bana wana, baparan wana, mutu moko te azalaki na politik ya Kinshasa na Kabila. Alors, nalobango souvent ke batu wana nyonso, ba Jean-Pierre Bemba, ba Roger Lumbala, soki ba lingi réellement, changement, bakoluka, ba moyen oyo bazalaki nango, ou ba moyen oyo bazali nango, mbala moko bakoki koya na Kinshasa, bayebaki esika Laurent Désiré Kabila azalaki, bayebaki esika Joseph Kabila azalaki, bakoki kosala action mbala moko, changement wana ekoti. Me soki bomoni mwana mboka, po alibere famille na ye, abandi nan koboma mwasi na ye, abomi bana na ye, mutu wana aza liberateur ya famille wana ti. Aza liberateur ya famille wana ti. Niyans nde yango wana bakongole bazali koyeba ti. Batu wana na tango bazali kozwa ba arme au lieu ba boma famille ya Kabila au lieu ba boma famille ya Tshisekedi bango bazo boma ba Congolais donc bazo boma ba Congolais pour na changement ti bazali nde ko tia makelele ba boma batu pour que le gouvernement de Kinshasa ba tia bango ka bazwa bango ba tia bango na gouvernement Lumbala ti ayaki kokota na gouvernement rébellion ici là. Jean-Pierre Bemba yo kota na gouvernement rébellion ici là. Donc ce sont des gens qui se battent, qui tuent nos frères et sœurs congolais pour leur propre intérêt na bango moko. Alors, na okende musika te lelo, je pense que dossier à Roger Lumbala bande ko ebele bakolobela yango. Il faut tout le moins rapidement et minute moquée pour que tout ce que la bande comme soupe espace pour ba meka kosala ba commentaire na bango. Alors, Roger Lumbala zali interpellé na France et zali pour na rapport mapping. Boyebi ke na rapport mapping wana batu bazali cité et belé plus de 400 personnes individus qui sont cités dans le rapport mapping. Donc, plus de 400 personnes Oyo Bazali, ba Congolais, ou bien qui se prétendent être Congolais. Plus de 400 personnes. Et Tozali, hormis les Congolais qui sont cités dans le rapport mapping, Tozali n'a pas étranger, ba gouvernement, n'a pas individu étranger Oyo Pe Bazali cité dans le rapport mapping. Wana. C'est-à-dire que point de vue nangai ezali na ba face mibale. Na face à Liboso, c'est une bonne chose que France a interpellé Roger Lumbala pour na kombo na ye ezali na rapport mapping. C'est très bien. Mais face mususu ezali pe, ko questionner cette communauté internationale, c'est comme si banda rapport mapping ezali publié, banda babandi ko sala baction pour na rapport mapping, ils n'ont jamais vu l'ombre de Paul Kagame. C'est comme si ils n'ont jamais vu l'ombre de Museveni. C'est comme s'ils n'ont jamais vu l'ombre de James Kabarebe. C'est comme s'ils n'ont vu jamais l'ombre de Rouberoua. De Bouguera Batouana Nyoso. Ce que nous demandons, c'est une justice générale na mutu Nyoso oyo azali cité na rapport mapping. Nous ne voulons pas une justice sélective. Et koloba boye tozali ko sengate ko kote la Roger Lumbalate ngala ko kote la Roger Lumbalate nazali ko senga ke bakangi Roger Lumbala, c'est une très bonne chose. Et à part Roger Lumbala, nous voulons voir Paul Kagame interpellé, nous voulons voir James Kabarebe interpellé, nous voulons voir Rouberoua interpellé, nous voulons voir Tambwe Mwamba interpellé, nous voulons voir Lambert Mende interpellé. Donc bazali ebele et soki tokeyi musika, soki tokeyi musika, nous voulons voir aussi Félix Tshisekedi interpellé. Nayebi calmement, place bazali babandi déjà balingi ko sauter déjà. Bo sauter te calmement. Nazo expliquer bino. Félix Tshisekedi aussi doit être interpellé. Il faut que son nom soit ajouté à la liste des noms sur les rapports mapping. Batunyon soana ezala batungwa ko mwanza. C'est-à-dire que le Congo a plusieurs rapports mapping. Rapport mapping oyo tozali ko lobela ezali o déjà ezali écrit. Mais nous avons plusieurs autres rapports mapping. Une personne, ce qui n'a pas de cannabis, vraiment, c'est la cannabis idiot et belété. Moutouloko la kyungu wako mwanza. Nani akoiko bete la kyungu wako mwanza maboko lelo. Ce qui n'a pas de cannabis, c'est la idiot et belété. Pouvez-vous croire que bande konabiso bakasaye bakoiko bete la kyungu wako mwanza maboko lelo? Yango na zoebi sabino ke mboka na biso tozali ba kategorie ebele et nous avons beaucoup, beaucoup des idiots. Bazali ebele. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui peut se permettre yako kumisa, yako bete la kyungu wako mwanza maboko. Et pourtant, yango toloba hake, bande kwe bele ba mémoire na bango, ezalo kola ba mémoire ya ba mwano. Kutu ba mémoire na bango, mwano kutu eliki ba mémoire na bango. Kyungu wako mwanza a été l'auteur direct, l'auteur principal, l'auteur direct. Yako benga bandeko na biso bakasaye bilulu, asuka kikaka na wabenga bango bilulu te, il a continué a senga ki batu ya Katanga, baboma, bakasaye. Les kasayens sont rentrés na kasaye en sous-vêtements. Bakasaye bakima na sous-vêtement. Oyo balamba ki soupa milu etikala na Katanga. Les Kasayens sont rentrés au Kasai en sous-vêtement. Et c'était par ordre de Monsieur Gabriel Kyungu wako Mwanza. Mais aujourd'hui, voyez-vous, il y a combien des idiots qui applaudissent Kyungu wako Mwanza. Wana pe ezali rapport mapping na biso. Mes chers amis, Roger Lumbala a kangami pour na rapport mapping. Et vous allez comprendre nani azali pour na Congo et nani azali juste pour le pouvoir tribal. Ce qui n'a sillonné réseaux sociaux nyonso, ba Congolais nyonso bazali na esengo makasi. Les Congolais sont très contents de cette arrestation de Roger Lumbala. Sauf, sauf par miracle, nos amis de l'UDPS, nos amis qui supportent Félix Tshisekedi, nos amis Milouvor et une partie de nos amis Kassaïens. Je ne sais pas, silence Nabango Ezali parce que Lumbala est Kassaïen ou silence Nabango Ezali, ils sont mécontents pour bah, interpeller Roger Lumbala dans le rapport Mapingouana. Oui, nous savons que Bakoyi Kosepelate. Bako sepela jamais parce que ba oyo ba tondi na Kinshasa qui sont protégés par Félix bazali et belé cité na rapport Mapping. Joseph Kabila azali na rapport Mapping. Kagame azali na rapport Mapping. Museveni azali na rapport Mapping. Ce n'est que logique, UDPS bakoyi ko sepela te. Ba Milouvor bakoyi ko sepela te ba kanga Roger Lumbala parce que ko kanga Roger Lumbala ezali une porte qu'on a ouverte pour Kagame, pour Museveni, pour Kabila et Félix akozala mécontent parce que bazali ba partenaire na ye nga moto na lobby yango te. Félix l'a dit lui-même na ba question ya ba journaliste point de vue na ye par rapport ya Kagame. Il a dit Kagame azali partenaire fiable et nécessaire. Félix alobaka français. Fiable na nécessaire ba koti sakiye na monokote pas journaliste. Journaliste a tout ni point de vue na ye par rapport ya Kagame. Il a bien répondu, Kagame est un partenaire fiable et nécessaire. Na Londres Félix aloba ye moko nga mutu na lobby yango te bofinga ngaite soki bofinga bofinga Félix. Félix a lobby le Rwanda, l'Ouganda, bazali ba auteur ya ba tuerie ya ba congolete dans la partie est de notre pays. Nga mutu na lobby yango te c'est Félix qui l'a dit. Alors une question nazali kotuna bande ko na biso ba Milouvor. Cher Milouvor, nazo tuna bino boye. Il semble que ba juriste bazali est belé parmi ba Milouvor. Ce que tali nombre ya ba juriste na Congo, majorité ya ba juriste bazali ba Milouvor. Il semble ba tuba kenda na ba école ya bien ya droit ezali ba Milouvor. Tozo mona ba magistrat est belé ba Milouvor. Ba avocat est belé ba Milouvor. Ba juge est belé ba Milouvor. La question que je vous pose, c'est celle de savoir qu'est-ce que le droit dit, que ce soit le droit national, le droit congolais, que ce soit le droit international, qu'est-ce que ça dit à propos d'un citoyen national ou international qui protège les criminels. Ya ba abiwana. Quel est son sort? Moutou oyo azali ko protéger ba criminel. Est-ce que justice atikaka ye ou bien justice alandaka ye? Ne m'insultez pas. Répondez-moi d'abord. Ou soit vous m'insultez, na kote ya ba insulte, donnez-moi la réponse. Parce que bino batou bokenda classe, bino batou bolakisa biso kotanga. Ba juriste ebele ezali bino. Ba avocat, ba juge ezali bino. Biso to yebite. Biso to pusaka pusu, biso to kombula kabandaku, biso to chaka verni, biso to kengela kabana, to yebi biloko anate. Alors, vous, qui êtes juriste, vous yebisa biso. Moutou oyo azo protéger ba criminel. Sor na ye ezali nini. Voilà pourquoi je dis que, hormis ces rapports mapping de l'ONU, les Congo, les Congolais, nous avons besoin aussi d'un rapport mapping national. Na kati ya rapport mapping national, wana, il faut ajouter le nom de Félix. Pourquoi? Un, Félix ayeko sala deal na Kabila. Donc, na point wana, Félix ne sera pas arrêté seul, il doit être arrêté avec Kabila. pour avoir conclu un deal secret sans que peuple a autorisé. L'UDPS n'est pas un parti national. Le PPRD n'est pas un parti national. Alors, le deux individus, Bazali na droit mon côté, ba engager ngai, ba engager yo, pour que bangomi balé ba kende ko kutana, ba kende ko sala deal, ba yebisa yote, ba yebisa ngaite, ba gouverner pays na deal wana ya bango mi balé. Wane zali crime. Na ba pays mususu, Félix a kozala jugé par un tribunal na loi Marshall. Et vous voyez que moutou, ce qui va l'équipe si yéna tribunal ou anna Marshall, sort na yé zako diembika yé. Donc, moi je pense que Félix Tshisekedi Tshilombo et M. Joseph Kabila, M. Kanambe alias Joseph Kabila, ce sont des gens en réalité, et Sika Tshisekedi Aponaki, Tshisekedi Amolumba, Aponaki, Bapandre, Kimba, et si kande il fallait ba pendre moana na ye, Félix Tshisekedi, na frère na ye et partenaire na ye, Joseph Kabila. Ce qui boko pendre bango na Ponga Biti, ba pendre bango même na Pascal. Ce sont des gens qu'il faut pendre. Na acte wana d'abord, yako sala deal bango mi balé, sans consentement ya peuple na biso. Je pense que ceux qui ont allé vrais juristes et aux allés milvor, vous comprenez de quoi je parle. Cette trahison mérite une pendaison pour Félix Tshisekedi, une pendaison pour Kabila. Bien sûr, na ba colite na bango, côté ya Félix Bazali, ba Kabund, ba Kabuya, o ba compagnie qui est, et côté Kabila pe ba Némi Wilonja, il faut bazala pendi. C'est une trahison. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, Félix Tshisekedi doit être pendu. Et combo na ye ifouezala, na liste ya rapport mapping. Pour, ce qui est rapport mapping, wana bazali ko expliquer de millions de morts, même si le mort ou yo bache na rapport mapping est allé minimiser. Mais ce qui est tali na Congo na biso, plus de 12 millions de morts. C'est vrai, l'ONU a yebi yango. Ba pays nyo son la communauté internationale ba yebi yango. Tout le monde a yebi yango, sauf Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est étonnant. Moutou nyo so a yebi que bande konabiso oyo bazalaki, bazali tué dans la partie est de notre pays. Bazali tué par ba armée rwandaise, ba armée ougandaise, deux fois des rébellions ougandaises, bon, disons, deux rébellions made in Uganda, deux rébellions made in Rwanda, ba yeko kota na mboka na biso na couverture ya rébellion, lokola Jean-Pierre Bemba, lokola ba Roger Lumbala, ba kota na mboka na biso pour que babo ma ba Congolais. Résultat nango, conséquence nango, plus de 12 millions de morts. C'est connu de tout le monde dans le système solaire oyo. Nzambe sala. Moutou nyo son système solaire oyo. Nzambe sala a yebi que les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont tué les Congolais. Banda mouvement ya Afdel. Dieu les connaît. Satan les connaît. Créature nyon son amende au yoba yebi yango, sauf Félix Tshisekedi Tshilombo. Boye bisanga na point wana, yako nye que le Rwanda bazali coupable était na batuyeri na mboka na biso, que l'Uganda bazali coupable était na batuyeri na mboka na biso, le Burundi bazali coupable était na batuyeri na mboka na biso. Boye bisanga yi cher juriste milouvor, est-ce que cet acte ne mérite pas pendaison pour Félix Tshisekedi Tshilombo? Dites-moi que, en tout cas, Félix Azali n'a raison, les Rwandais n'ont pas tué, les Ougandais n'ont pas tué, les Burundais n'ont pas tué. Ce qui est justice est Azali. Parce que dès que nous allons servir le fruit, nous allons créer un tribunal criminel. Pour Nambo Cannabis. Tribunal, on a tout relingaté, ils allaient dominer par Bamilovor. Parce que tu y es bien na bango. Nous allons créer un tribunal criminel Nambo Cannabis. Et nakata tribunal criminel wana, ceux qui après avoir mangé les fruits, Satan protège Félix, qu'il continue de respirer, il sera le premier na tribunal wana. Ba point Zali est belé na charge na ye. Na ko cité nyon sauté entre autres, deal avec Joseph Kabila. Oyo Congolais moko te atinda ye, gouverner ce pays par ce deal, Congolais moko apesa ye mandaté. Deuxièmement, nier le massacre, le génocide de nos frères et sœurs dans la partie est de notre pays, que les Rwandais et les Ougandais ne sont pas coupables. Cet acte de nier, cette négation, vaut une pendaison pour la Félix. On ne vient pas ici pour blaguer la galerie. Ça mérite une pendaison parce que personne ne peut comprendre comment ses fils y a payé Balobi Mwana Mboka avant d'y na soi-disant opposition avant ba pesa ye pouvoir ba tweet na ye Zali merci beaucoup na réseaux sociaux ba tweet ya Félix Zali il a tweeté comment est-ce que bazobo mabande kona biso il a tweeté sort ya bato bazobo mabande kona biso et voilà par miracle ba pesa ye pouvoir il nie que bande konabiso wana bazali tué par ba Ougandete, par ba Rwandete. Mais il a oublié ayebisabiso ce que zali ba Rwandete, ce que zali ba Ougandete. Alors nani mutu azoboma, nani mutu aboma bande konabiso na partie est ya pays na biso. Ba point wana d'abord, il faut pendaison pour na Félix. Roger Lumbala Bakangie, j'ai posté na Facebook na lobby na kati ya liste wana rapport mapping Félix doit être ajouté na outi ko pesa ba raison pourquoi il faut ajouter le nom de Félix parce que ezali lelo oyo so nié génocide l'histoire des nazis ceux qui ont nié yango lelo oyo so ki ont nié génocide rwandais sort na yo oyebi. Pourquoi ne pas inclure na liste yaba négationniste yaba génocide wana les génocides rwandais les génocides yaba nazi si vous niez ces génocides vous êtes poursuivable et pourquoi ne pas poursuivre ceux qui nient le massacre des Congolais par les Rwandais par les Ougandais. Pourquoi? Les Rwandais sont des citoyens de ce monde. Les Tutsis sont des citoyens de ce monde. L'histoire des nazis aussi, ce sont des citoyens de ce monde qui ont été massacrés. Oui, nous acceptons de poursuivre ces gens-là qui nient ces génocides des nazis et puis les génocides rwandais. Mais c'est illogique que vous niez génocide congolais. Parce que ce que vous allez bien, les nazis, il y a eu combien de morts, combien de massacrés. Génocide rwandais, il y a eu combien de Tutsis qui ont perdu la vie. C'est que nous condamnons. Et ce qui aujourd'hui, génocide, wana nion son amende, aucun génocide au monde, ce qui aujourd'hui, sommation, il y a un génocide, wana nion son amende, et qu'on égale nombre de Congolais massacrés dans le cannabis. Vous acceptez, moi aussi, les génocides rwandais. C'est vrai, ça s'est passé. Environ 800 000 personnes massacrées. Vous allez égaler ça à 12 millions, plus de 12 millions de Congolais? Donc, Bissopé, il faut travailler là-dessus pour que les génocides congolais soient reconnus internationalement et soient condamnés. Alors, tout le monde qui nie ces génocides congolais, nous allons commencer d'abord au Congo, les poursuivre. Et en première position, ça sera Félix-Antoine Tshilombo, pour avoir nié ces génocides congolais. Alors, cher Milovor juriste, dites-moi, et si kanini na lobi mabe, et si kanini, parce que votre droit que vous avez étudié à l'université Saint-Antoine Tshilombo de Kabeyaka Mwanga, na yebite soki batangi sakabinoni. Des juristes qui se taisent de se manifester dans l'arrestation de Roger Lubala. C'est surprenant. Drôle de juriste. Singa ezali moulaï. Singa ezali moulaï. Alors, maintenant, je demande à nos amis congolais de faire une pression. Ensemble, de faire une pression que ces arrestations ne soient pas des arrestations sélectives. Tout le monde qui est cité dans le rapport mapping doit être arrêté. Tout le monde qui nie ces rapports mapping doit être poursuivi. Alors, Botalaba Milvor, Moulongo, Bamilvor bakozala mulongo parce que Bamilvor bango il ne croit pas na ces rapports mapping. Il zappe. Bamilvor bazo zapper rapport mapping. Étonnant, surprenant. Il y a ba adepte il y a état de droit, il y a ba adepte il y a démocratie, il y a ba adepte il y a le peuple d'abord. Le peuple a été massacré. Excusez-moi, donc, j'ai arrangé. Voilà. Donc, le peuple a été massacré, mais les adeptes, il y a peuple d'abord, basali ko zappé rapport mapping. Surprenant. Yango tozolo ba kebande konabiso e belé, bazana ba bongo te. Et tu en tisekè wa molumba, alongo la bango ba bongo, ba rezona kate. Mémoire na bango e sala kate. Parce que bango bazolo ba bazali batu ya démocratie, bazali batu ya état de droit, bazali ba juriste. Mais drôle, des adeptes de la démocratie, des adeptes de l'état de droit, des adeptes ya peuple d'abord, qui zappent le rapport mapping. Alors, je disais que liste des amis Moulaï, liste interne, il y a pas Congolais interne comme Roger Lumbala, nous voulons voir, dans le rapport mapping, Jean-Pierre Bemba interpellé de nouveau. Vous voyez, Jean-Pierre Bemba, bato IDPS ba yebi yango, bo yebi yango, Jean-Pierre Bemba bo yebi sabiso ke alia ba pikme. E on ne savait pas, bo moni siko er bato bazo tanga, o batanga na no rapport mapingi te, l'on découvert que Roger Lumbala pe alia bato. Donc kuna place azalaki, al tali ba milou bazate, moya alia milou ezate, il a remplacé les milou par les humains. Ale bato. Comme Jean-Pierre Bemba, comme Monsieur Olivier Kamitatou, yango na loba ke, il faut faire très attention na ba acte oyotozali ko sala. Ko luka pouvoir, c'est bien bon, mais luka pouvoir na maboko pembe, ko luka pouvoir na lukutate, ko luka pouvoir na ko protéger ba criminalité, ko luka pouvoir na lokutate, ko luka pouvoir na ko lia batute, ko luka pouvoir na ko boma batute. Parce que e ko rattrape yo un jour. Aujourd'hui, moi je serais très content si Jean-Pierre Bemba est encore interpellé. Pour na makambo ya Centrafrique te, o bakangela ke liboso. Mais pour na ba massacre ya ba Congolais na partie nord-est na biso. C'est vrai. Jean-Pierre Bemba, ye moutou aya anteni militaire, azara ki soki général, akota na mboka na biso na ba Ougande, ba boma bandeko na biso, ba panza. C'est vrai. Alors, soki ozali idio, wangana yango total. Wangana total. Monsieur Roger Lumbala, idem. Et boyebi très bien que na tango batu o bazali nommé cité na rapport mapping bazali batu balobi à l'époque ya Afdel. Est-ce que vous savez que Afdel na tango akoti auti bauti Rwanda bakoti na mboka na biso, ils avançaient partout où ils passaient, ils faisaient semblant des élections des communautés pour élire leur leader. Il y a ba ville, il y a ba province. Et ba leader wana bazala ki la plupart batu ya IDPS. Nani a yebi yangoti. Partout où Afdel passait, ba bana kosa la semblant, ya kosa la élection, mais ba yeba ki batu na bango oyo ba kocha sur place. Et ba bandai kocha batu ya IDPS. Ba gouverneur ya ba ville, ya ba cité, ya ba province. Batu ya IDPS. C'est-à-dire, l'IDPS aussi a contribué à ces massacres. Et l'IDPS aussi doit être poursuivi. Plus intéressant encore, bozoye banatango bazali ko boma batu. Ba ye kokuta na balobi ba kende Afrique du Sud ba kende kosolo la. À ce moment-là, boyebi ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait dépêché Monsieur Valentin Mobake au Rwanda pour être le missaire d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba entre lui et Paul Kagame. Na moment wana, makila ya ba Congolais ezali kotanga na parti est na biso. Na moma wana, ba rebel o nyonso, ba Roger Lumbala, ba Jean-Pierre Bemba, ba Lambert Mende, bango nyonso bazali kotangisa makila ba Congolais na Congo, Etienne Tshisekedi envoie un émissaire akende kovanda kuna na Rwanda pour na contact na ye na Paul Kagame pendant 2 ans. Nga mouton na lobby yangote, ne sautez pas encore m'insulter. Monsieur Valentin Mobake est là. Les vidéos sont là. Lui-même l'a témoigné qu'il a été envoyé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour na kozala contact direct entre Etienne Tshisekedi na Paul Kagame. Na moment oyo, makila ba Congolais ezali kotanga. Yango na lobby ki rapport mapping oyo, ifuto étendre yango ezali mulai. Donc to kende ko luka mikwa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba toko luka mikwa na ye, il sera jugé. Na terme posthume. A koza la jugé. A koye bisa biso, contact wano tinda ki na Rwanda. Po na musala nini. Po bo solo la, bo bandai ko solo la nini. Erezuma mubake e vivant. Bako explique biso. Alors, na post nanga je disais que ces rapports mapping ezali elema clé ya ba jeune na biso, ba congolais nyonso, oyo batika la kosala te. Parce que bato ba tondi kuna na palais du peuple na gouvernement. Soit bango moko bazali ba criminel direct, soit bazali ba criminel indirect, c'est-à-dire par leurs parents. Bana ya ba criminel bazali na kati ya gouvernement wana. Bana ba criminel bazali na kati ya parlement wana, na kati ya sénat wana, na gouvernorat. Bana ya ba criminel ba criminel bango moko bazali na ba institution nyonso. Alors, chers jeunes, les Congolais, bino batu bosala nanu te, lokola biso. Kobanda ba koko na biso, ti na mokolo ya lelo na zali koloba, mutu moko te na kati ya famille, de près ou de loin, na participe na crime économique, na crime ya droit de l'homme, na mboka na biso. Tozali maboko pembe. Me tozo kama ba maboko pembe, tozali ko mona, oh no, aza maboko pembe na ndenge nini. Eh, maboko pembe ake ko sala deal, na criminel. Mutu na za maboko pembe? Maboko pembe a nié ba massacre ba congolais. Mutuana za maboko pembe? Maboko pembe ba détournement na présidence. Wana maboko pembe na yebite maboko pembe ya bandeko na biso ba milouvor. Ba linko lo banini par maboko pembe. Est-ce qu'ils comprennent ce que signifie maboko pembe? Ou bien bazo comprendre. Tala biso ba to maboko pembe. Ngai ndenge na za koko kitana Congo, mutu moko ta ko brandir qu'un papier que vous avez participé na crime économique, na crime des droits de l'homme, na crime nyoso na mboka na biso. Ezala pembeni, ezala na musika, e lokote, maboko pembe. Je disais donc, c'est une opportunité pour na ba jeune nyoso, mutu nyoso o azali discriminé na mboka na biso, azwa musalate na mboka na biso, pour que rapport mapping oyo ezala un élément de base ya lutte na bino. Il faut to longola batu oyo nyonso parce que on ne peut pas comprendre que mboka mobimba soki boyoki kamitatu masamba te soki akufi boyoka Olivier kamitatu soki boyoki sakombi inongote soki akufa boyoka mwana sakombi inongo soki boyoki Etienne Tshisekedi Mulumba te soki akufa boyoka Tshisekedi Tshilombo. Soki boyoki Kabila boyete boyoka Kabila boyi. Soki boyoki Bemba te Saolona akufa boyoka Jean-Pierre Bemba. Soki, mais au juste ce pays n'est pas un royaume. Kaka bango bazoya bazoyi babiso bazobo mabiso. Soki basali balembi bakufi bana na bango baye bazali ko continuer juste la même politique na ba papa na bango. Bazo boma biso, bazo yiba biso. Congolais, lambda, avandi, excusez-moi. Congolais, lambda, naïf, tozali kota la bango, tozali ko bete la bango maboko. Pourquoi ne pas utiliser ces rapports mapping pour écarter tout le monde qui a participé de près ou de loin na massacre économique, na massacre yaba droit de l'homme, na mboka na biso. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il semblerait que tozali plus de tozali 100 millions d'habitants. Et si vous faites revenir les mêmes personnes qui travaillent, qui détournent, qui massacrent, ils partent, après ils reviennent. Et par la suite, ce sont leurs enfants, leurs cousins qui les remplacent. Donc, Bozo mona te ke peyi ezali kidnappé par un groupe de criminels. Peyi ezali kidnappé par un groupe de criminels oyo congolais azoko kakolongola bango te. Alors, je disais pourquoi ne pas utiliser ces rapports mapping pour un élément déclencheur. Yakocha hors état de nuire tout celui qui a participé de près ou de loin aux crimes économiques, aux crimes des droits de l'homme. Mais essayons de construire un pays de Maboko Pembe, Batu Maboko Pembe, Bazali, nous sommes là, Tozali et Bélé. Tozali et Bélé. Tous ces Congolais qui n'ont pas participé, qui n'ont pas participé plutôt dans le massacre, il y en a, Bazali expérience, Bazali. Il y en a, Bazali intelligent, Bazali. Bexpert, Bazali. Naba domaine, Nyonso, Bazali. Alors, pourquoi ne pas dire, bon, trop c'est tôt, aujourd'hui, 2021, ça suffit. Tout celui qui a participé, directement ou indirectement, tout produit de ceux qui ont participé, de près ou de loin, Bovanda Pembeni, Bakene Golia Vungoli. Oyo, il faut tinda Bakene Golia Mbala, Lokola Roger Mbala, Toko tinda Bangona CPI, Bakene Golia Mbala. Oyo, Toko linga ke Balia Vungoli, Toko tinda Bangona Buluo, Bakene Golia Vungoli. Et na pesi bino quelques noms, ya batwa Golia Vungoli. Par exemple, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ye il faut aller à Vungoli. Après Vungoli, il sera pendu. Il sera pendu. Bon, bien sûr, ce qui a Boïkolia Froui. Ce qui a Boïkolia Froui sera pendu. Parce que trahison na ye, franchement, na histoire ya mboka na biso. Et tigala nan ko salamati. Trahison na ye na mboka na biso etikala ko sale matei. Voilà pourquoi il mérite pendaison. Donc, je demanderai na bande konyo so bazali na mo a dire pour que qu'on fasse campagne ya rapport mapping encore. Et nous remercions le docteur Mukwege parce que en réalité, même si Batumususu Wabandai Koloba Makaba rapport mapping d'une façon locale, mais le docteur Mukwege a amené la lutte pour la considération de ces rapports mapping au niveau international. Merci beaucoup au docteur Mukwege, mais nous demanderons que docteur Mukwege, Toutiko Komelaye Kalamingite, d'être beaucoup plus vigilant. Parce que maintenant que Babandi Kokanga Batu ya rapport mapping, le Rwanda va continuer toujours ya ko menacer ye. Et menace ya docteur Mukwege Sikoyo ezali kaka na Rwanda te, menace ya docteur Mukwege ezali siko na bande kona biso ba Milouvor. Parce que ba Milouvor ba betra docteur Mukwege maboko te. Ba Milouvor musala nyonso oyo au niveau international du docteur Mukwege. Tout le monde les voit. Le système solaire les voit, sauf Milouvor. Milouvor, ba monaka docteur Mukwege te, ba yebi yete. Alors, le Rwanda peut utiliser ces Milouvor pour neutraliser le docteur Mukwege. Toutiko komelaye. Faites très attention et surveillez ba mouvement nyonso pembeni na yo. Ce que je dis, c'est vrai. Le Rwanda va utiliser, comme d'habitude, ma Milouvor pour éliminer le docteur Mukwege. Et liste Ndenge Ebandi, je regrette que Ebanda kaka na ces Congolais de course. Et ce qui au sali likambo, il faut assumer par conséquence. Nango. Aujourd'hui, na yebite, à part ma Milouvor, batubazo regretter. Roger Lumbala Batinda yake ne goliambala Congolais nyonso monde mobimba na utu ko solo lelo avec quelques amis oyo bazali ba congolais te bazali ba africain te bazali très content yako yoka ke Roger Lumbala azali arrêté. Et je parlais avec un des juges coréens oyo ba jijaki non ba initiaki le procès ya Jean-Pierre Bemba. Il est coréen. Ce qui botali ba photo nga na Facebook tozaki na plateau d'une télévision naye ngayi ye avec ces juges là donc je disais na le représentant ya HR na Corée tozaki na plateau d'une télévision on débattait et après ça totikala na ye ba camarade il m'a dit ba dessus nyonso sur makambu ya Jean-Pierre Bemba pas seulement Jean-Pierre Bemba ba dossier wana nyonso. Il m'a expliqué, il m'a donné une documentation pour que Nazalana vit clair de cette situation. Il y a dossier, il y a rapport mapping. Alors, chers Congolais, bolanda bamilouvor, problème na bango ezali ko protéger bandeko na bango. Boyebi na yebisa bino na loba bango toujours. Milouvor makila e ganga kaka. Même dans le rapport mapping, ce que mon indéko na yazali cité dans le rapport mapping, tout le monde dans le système solaire, nzamba sala, ezala ba planète Mars, ezala ba Jupiter, tout le monde qui bouge à Zosepela, Roger Lumbala arrêté. Parce que Roger Lumbala a semé une terreur dans le cannabiso. Sauf, par miracle, Milouvor a Zosepela. Alors, Congolais zo lukando ki ya Congo. Bozo lukando ki ya Congo e paye wapi. Bandoki ya Congo bango toza na bango. E ndenge bazala na bo explique biso pourquoi bozo sepela te. Explication exacte. Bago ye biso nini. Yo lubi makamba Roger Lumbala. C'est bien ndenge bakangiye. Mais le Milouvor bazo ya okriye nini. Tribaliste. Ene. Donc tozali ba ene. Parce que tozo sepela ke bakangiye Roger Lumbala. Qu'est-ce que Roger Lumbala a? Ngai par exemple, na kende kozala na haine na Roger Lumbala. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que Roger Lumbala a? Ngai nazala na haine na Roger Lumbala. Ezala Félix. Félix Mutuna ye di Bungutulu, zéro. Kimpuaka. Alors, ngai nazala na haine et pas Félix. Pourquoi? Parce que Félix n'a pas mon niveau. Félix n'a pas mon niveau. Nana kozala na haine na ye ndengini. Ngana kozala na haine na Milouvor oyo azali bopesi ye pouvoir na yebi très bien que Milouvor wana bik moulayi, Milouvor wana experience moulayi, Milouvor wana patriote, Milouvor wana il ne trahit pas. Na kozala na haine. Ah, mais ngai nazo rempli pe ba condition ya mutu wana. Ngai pe ba condition wana bik peza moulayi, patriotisme pe ezali, experience pe ezali. Alors ndenge nini batcha ye ngaite. Bomoni place N yaka. Mais oyo li bungutulu, mutu zero, bik kutu mukuse, akata kutu ali atafunana ba chapeau ya bik. Experience, 54 ans, banda botama, banda na maternité na Kinshasa, aganga wa leli. Abimi na mukili oyo. Ti 54 ans, atikala kosala te. Mutungana kozala haine na ye wana. Bon, nous comprenons que ba Milouvor ba comprenaka makamba lo bakati. Ce sont des slogans ba pesa bango na place mémoire centrale na bango ezalaka. Kuna soki ba lobby haine, okomona bango nyoso mikolo na kaka haine. Soki kuna ba lobby bobotika na haine, bocha tribaliste. Oyoka bango nyoso mikolo na tribaliste. Soki ba lobby tribaliste, bocha pangistané. Oyoka bango nyoso pangistané. Soki otuni bango ça signifie quoi? Oza jaloux. Ça signifie quoi? Oza moyaka. Donc, ce sont des gens, moi, tout dans la bango de Sous-Sezate. Bon, moni, ce qu'on a dit, salaka, rapport mapping au liste, batubaza, et belé, les nationaux, na, ba étrangers. Mais, nous avons dit, salaka, et bandana Milouvor. Pour aller, bisabino, que, ba représentant na binon, baza, exemple, peut-être, pour nous, cannabiso. Ba représentant na bino bazé exemple te pona mboka na biso. Tomona ka bato ebele soye ba komi ba président na mboka, surtout bato ba wumelaka na soi-disant opposition ba komi ba président. Boko remarke yango ke na ba parti nyonso ya ya mboka na bino, ba maternité par exemple bana bazo botama, bazo pesa bana kombo ya moto wana. Mais ndeko moko ayebisi ngai na Kinshasa azali docteur. Abi me prof ngai na remarka ke soki omoni moto moko ba congolais balingie na maternité so tali mingi mingi bana bazo botama bato ebele ba pesa ka bana na ba kombo ya moto wana. Mais étonnant bana bazo botama mikolo yo na moni mwana moko te ba pesa kombo ya Félix Tshilombo. Docteur Abi na moni mwana moko te ba pesi kombo ya Félix Tshilombo. Moi j'ai dit bon. Ba réseau eza ebele. Un, parent moko te ko linga pesa mwana ye kombo ya moto o aza chekulere criminel. Muyibi. Osi omona na Congo ba wala sa ye ayebana ki ndenga na yebisi ye. Wala sa ye banaka. Na Congo omona ki ba parent bazo pesa bana kombo wala sa. Ba ko pesa te paske wala sa za ki muyibi. Mais na Congo na biso Lumumba. Na tango ba bomi Lumumba. Combien de Congolais o ba pesa komba Lumumba? Combien? Ba Congolais ba pesa komba Lumumba. E belé. Alors, yo komi président moto o za moto ya peuple, o komi président. Ba para bazo boya ko pesa ba na bango bazo bota makombo na yo. C'est koza libabe. Para mokote d'abord un, mama mokote o aza na zemi. Ça c'est vrai ba mama o bazola na biso ba mama ba yebi ba koyo ko témoigner. Ba mama oyo, ba mama bazola na biso ba yebi ke mama so aza na zemi, bakenda ko telema telema wapi. Bakenda ko telema bisika ba flere ezali, akenda ko telema esika kimia ezali, akenda ko telema place biloko moko kitoko, jamais mona mama aza na zemi, akenda ko telema esika elongi ya ekeko ya satana ezali, jamais. Ko telema place ana te sino te mwana ya kozwa elongi wana ya satan. Mama nini aza na zemi, wako iko linga ke. Mikolona koma zana zemi, atele maka pemeni ya Felix. Memwa na wea ozo ilongi ya Felix. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ba mama ba yebi, mama moko te ya zana zemi, ako linga, ake neko tele ma pemeni ya Felix. Paske mwa na ko riske, mwa kote moko azwa Felix. Ubiye kote moko azwa Felix. Mama mokote, para mokote lelo, azo sazarde ape sa kombo ya Felix ya mwana na ye. Bazate, ezra na kasayi bazate. Se docteur madi, abi, nazo kamwa paske na umeli na musala oyo. Benvenemani yon sasoye leke mutu moko a yebali na mokili. Omona ba para er bazo bota, soko tuni, ah mwana, mwana kitoko, mwana kombo nini, ah mwana na kombo Obama. Ah ba Obama ebele na mokili. Mwana yu kitoko, mwana kombo nini, mwana Lumumba. Balomumbe ebele na mokili. Oh no, ngakutu na kasayi bapesi mwana kombo. Yombi, Patrick. Na kasayi bapesi. Ah. Na kasayi bapesi. Mais le Congolais evite bapesa bana na bango kombo ya Félix Tshilombo. Muyibi, escroc, chekuler, menteur, négationniste, et puis talakaka. Talakaka. Donc, monika ba parent, bana bandimaka ba parent na bango. Mona bana mususu, bana babwaka ba parente. Parent azala ndenge nini, azala mabe, azala elongi mabe, migugu, azala poso kubuka, azala soki ndenge nini, bana ba kobenge kaka papa. Wane zali mibeko ya nature. Mais sinon, soki ba lobi ko pona, ono to zonge la bana ba pona ba parent na bango. Franchement, les enfants de Félix ba pona Félix te. Soit to considérer makambona ya muyibi ya lukuta na scientifique bana Félix ba pona Félix te. Na kosi boto na bango. Na sa mutema ba yebi boye public ma ba ondi matema na sa mutema ba yebi bana ba boya ba parents na bango te. Comme si ba parents pe ba boya ka bana te. Voilà. Je pense que il faut aussi sawana pour to tika bande comme susu ba live ezali programmé ebele na monaki pour que bande ko oyo balandi biso bazolanda biso bazwa petan ya kolanda bande ko susu allez suivre Kerwin Maïso, allez suivre Fabio Kouswanika, allez suivre Bandeko Moussous et Bélé, Oyo, Nakoyiko Tanga Bangonion Sauté. Sachez que Kisalomé Banda, ba arrestation Pémé Banda, et tout le monde où a participé ou a protégé ma criminel, combo naye au Mukamate. Wan est à droite. Na otiko lo, na lobaki yango. Pour nous conclure donc. Na lobaki yango que, bande konabiso ba juriste ba zay belé, ba milovor, ba juriste ba zay belé, ba juge, ba avocat, ba magistrat, tout consort, ba zay belé, ba yebi très bien que, moutou ceux qui ont battu criminel, ont protégé criminel, moutou a yibi, moutou a bomi, akimi, justice a zo loukaye, yo zo batte la ye, c'est mon frère, na kofine na pasete, bazali ba frère nangaye, azali partenaire nangaye, le Rwanda ezali partenaire fiable, Kagame c'est un partenaire fiable. Donc, vous protégez des criminels, kombo na yo pe ezali umukamate. Umukamate. Mais pour la Félix, tu olingataki de ces pays. Pour Félix, biso moko nanu il faut to juger na kati. Pour la trahison oyo na kabila ba sali parce que to ko lingate ake ne ko lia mbala na Europe, Félix to ko linga na Pascal. To ko na Pascal ou bien na Kan Luka. Bisika mi balé wana na Pascal ou bien na Kan Luka, Félix to ko sambisa ye sika wana en public. Aye bisabiso, nani apesa kiye autorisation, nani apesa kiye mandat, ye na frère na ye kabila ba kene kosala deal, biso ba kolombo kato ye bate. Nani aye bisakiye ke ba Rwande na mboka na biso ba bomate. Nani aye bisakiye ke ba Ugande na mboka na biso ba bomate. Nani apesa kiye autorisation a kene na Uganda aye bisa ba Ugande ke bofuta nyongo ya 10 milliards de dollars na Congo te. Voilà biloko na nyonso ekotinda to juger Félix na public. Na Pascal ou bien na Kan Luka. Après avoir jugé yé, a kozwa singa na kingo, toko diembika yé. Toko diembika yé. Bien sûr, ce qui courageux mon côté a qu'à servir yé fruité avant. Voilà. Ce qui va servir yé fruit, problème exacté, yé na papa na yé toko la moussabango. Toko la musabango a titre posthume bako samba. Voilà, mes chers amis, boza na mawate, Lumbala akei, etikali Olivier Kamitatu, il faut akende, Jean-Pierre Bemba, il faut azonga lisusu, yekuta mesana kuna kutu, ba, yekutu ba miru wana elembaye, problème ezate, akozonga lisusu. Ba Kabila, il faut akende, ba tambwe mwamba il faut ba kende yekutu il faut rapidement parce que alinga kufa rapidement donc tous ces gens-là des Kagame tout le monde il faut tout inquiéter bango alors maintenant ba les ans na cannabis ba congolais to tia pression na communauté internationale comme d'habitude pour que ba considérer rapport wana na mutunyo so ezala arrestation sélective. Voilà, mes chers amis, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Merci, Ming, pour Rolanda Bissot. Bokende, Kolanda, Bandeko Moussousou. Et au revoir pour aujourd'hui. Bye bye.